un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve, partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Thank you very much for listening to us. We'll be back next week. Thank you to Philippe and Yvonne for tonight. And we'll be back. So the show is recorded. You can always go back to kfai.org/bonjourminnesota. And thank you again for those who gave to the pledge drive. And if you haven't, there's always going to be another one. Good night and stay tuned for Balkan Jamboree.